au fond près du radiateur 106.2. Radioactif comme le nucléaire. On fout le boxon. Chaque soir, chaque semaine, à chaque son. À chaque son. Tu veux mon nom? Au fond près du radiateur. Family beat, yo. J'ai des sujets mais c'est pas ceux qu'ils aiment aborder. J'ai des projets mais ils font tout pour les aborder. J'ai des messages mais pas ceux qu'ils aiment véhiculer. Ok mon man, tous les mardis. On a des blagues mais c'est pas celles qui les font marrer. Everything I do gonna be funky. Au fond très radiateur.fr. C'est pour les gens qui luttent de faire l'info. Les grains de gueule au fond près du radiateur. Quelle question tu veux que je te pose? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Step on and set control. De retour au fond près du radiateur. Tous les mardis, 19h à 20h30. Sur FPP 106.3 FM. Le vendredi matin, la rediff de 7h à 8h30. Et toujours faire attention aux flics, aux fins. Voilà, ben on va faire une petite pause musicale et puis on reviendra une fois de plus en essayant de faire notre propre info. 106.3 FM, poto. James, A-N-F-A-L-S-H, au fond près du radiateur. FPP 106.3. Bonjour, bonsoir et vous êtes bien en direct de l'émission Au fond près du radiateur sur la 106.3 Paris FM, fréquence Paris pluriel. Alors ce soir, on va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end, notamment à la manifestation des Gilets jaunes. On va aussi aborder les blocus lycéens qui sont présents depuis 2-3 jours là, qui sont pas mal présents et on va parler des raisons. Et on va aussi parler des ambulanciers, de la grève des ambulanciers qui s'est passée hier soir sur la place de la Concorde. Devant l'Assemblée nationale, et on a notre cher camarade Alexis qui va parler d'un film indépendant qui se veut féministe, mais pas trop. Alexis, je te laisse en parler. Et bonsoir Paris, effectivement, c'est ça, c'est exactement ça. T'as raison, Emma, nous allons parler, nous allons recevoir ce soir en tout cas Lola Gantillon, Romain Couture de CH Film Productions et Arnaud Esclusa, compositeur, interprète, qui vont nous parler de ce film, histoire de nous ramener un petit peu de légèreté en avant-première. Parce qu'il y a beaucoup d'événements et nous ici à la radio on est un petit peu subjugués par tout ce qui se passe et je pense que vous aussi. Ouais. Et il y a beaucoup de sujets à traiter et en tout cas ça va être une très belle émission. Mais avant toute chose, on va passer sur une petite pause musicale. Allez là. Et écoutez, nous allons vous retrouver tout de suite. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop. Yeah. Bonsoir, vous êtes toujours en direct sur l'émission Au fond près du radiateur. On se prend la poire ce soir. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Alors, moi c'est Imane, je pense que vous me connaissez à force et je suis avec le camarade Alexis. Et là on va un peu parler de tout ce qui s'est passé ce week-end et de ce début de semaine. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis deux jours on a pas mal de blocus, et même depuis vendredi matin, on a pas mal de blocus dans les lycées parisiens, en Ile-de-France et énormément en banlieue par rapport à la réforme Parcoursup. Donc, qui est apparu l'année dernière, ou plutôt en début d'année, et aussi la réforme Blanquer. Et en gros, c'est la future suppression des filières. Et le problème de ces réformes, c'est qu'elles amènent à la dégradation des conditions d'enseignement. Par exemple, la réforme Blanquer, ou Blanquer, je ne sais pas comment on dit. La réforme Blanquer, c'est tout simplement une réforme qui stipule que dans 2-3 ans, au lycée, on n'aura plus de filières. Donc, fini de la filière S, ES et L. Il y aura un tronc commun. Donc, le tronc commun, c'est histoire, philo, langue et français. Et après ça, les étudiants vont devoir choisir des langues. C'est un peu comme à la fac, on choisit des UE qu'on doit valider. Le problème de cette réforme, c'est que ça va diminuer le nombre d'heures. Alors, dans un premier temps, on peut se dire, mais tant mieux, les lycéens, vous avez moins d'heures de cours, donc forcément, vous pouvez plus bosser. Mais ce qui n'est pas cool, c'est que, en fait, en fonction de ce que les élèves vont choisir, et en général, on se doute un peu de ce qui va se passer. Donc, toutes les matières comme philo, comme les langues mortes, etc., bah forcément, ça demande trop de taf, c'est trop de réflexion. Quand on est au lycée, on a très souvent la flemme. On va plus s'axer sur tout ce qui est les matières, entre guillemets, plus simples. Du coup, ça va être la perte au fur et à mesure de toutes ces matières-là. Et le problème, en fait, ça va être au niveau des sélections. Parce que cette réforme, elle rejoint Parcoursup, notamment au niveau de la sélection. On disait, par exemple, en mai, oui, des élèves qui veulent entrer en droit doivent avoir suivi des cours de droit avant, d'avoir subi des cours perso et des cours à domicile. Donc d'un côté, oui, c'est cool parce qu'on a peut-être un pied dans le grand bain. D'un autre côté, on ne peut pas tous le permettre. En fait, on ne peut pas tous payer un prof de droit qui coûte une blingue en fonction de là où on vient, en fonction du salaire des parents. Et du coup, la réforme Blanquer, elle rejoint un petit peu ça. Ça veut dire que tous les élèves qui n'auront pas choisi les bons cours se verront refuser les entrées des grosses écoles ou des facs. Et en même temps, tous les élèves qui auront trop choisi mais qui auront tellement choisi par pression, n'auront pas forcément le temps de bien travailler, n'auront peut-être pas leur bac. Du coup, ça a fait un petit peu pression. Et voilà, il y a aussi eu une parfaite proposition de Macron, géniale, plutôt, un mois des services militaires obligatoires. Sauf que un mois, la fameuse. Voilà, la fameuse. Et un mois, c'est pas sur volontariat, c'est obligatoire, donc c'est quand on s'y attend pas. Du coup, si t'es étudiant, c'est l'été, bah, par exemple, moi j'ai 18 ans, je vais commencer à bosser pour payer quoi que ce soit, je peux pas. J'ai une vie, je peux pas, et voilà. Et puis au final, c'est par obligation. Et je pense qu'on sait tous que quand on a été étudiant et qu'on a eu 18 ans, quand on fait quelque chose par obligation, en général, on n'est pas forcément pour. Donc voilà, et ce qui a amené à tous les blocus aujourd'hui. Hier, il y en a eu pas mal au lycée Jean-Pierre Timbaud, par exemple, à Aubervilliers, pas mal en Nouvelle-Aquitaine, donc tout ce qui était Toulouse, Bordeaux, aussi à Grenoble, aussi dans le Nord. Aujourd'hui, d'autant plus. Aujourd'hui, ce qui était cool, c'est que donc, le lycée Jean-Pierre Timbaud a encore été mobilisé. Il y a aussi des lycées à la Courneuve, à Colombes, dans le 95. Et aussi, dans Paris, hier, ça n'avait pas été possible. Mais aujourd'hui, il y a eu le lycée Turgot, dans le quartier de Turbugueux, dans le 3e arrondissement. Il y a aussi eu les lycées, ouais, Big Up à Joe. Il y a aussi eu les lycées Maurice Ravel dans le 20e. Et en fait, ce qui est hyper cool, c'est que les lycéens qui ont manifesté n'ont pas juste fait un blocus en mode coucou, on bloque, c'est la mode et on s'arrête là. Ils sont allés beaucoup plus loin, c'est qu'ils ont distribué des tracts, ils ont expliqué pourquoi ils se mobilisaient. Du coup, la police a dû intervenir. Forcément, bah, les toutous ont sorti les lacrymos et tout le reste. Mais au-delà de ça, il y a eu énormément de lycéens qui ont un peu compris. Hier, moi, j'y étais, j'ai vu quelques lycéens qui me disaient ouais. D'habitude, c'est on fait blocus, mais pourquoi ? Bah, on fait blocus. Là, c'était ouais, on fait blocus parce qu'en fait, on se bat pour notre avenir, on se rend compte que c'est vraiment la merde. Donc voilà. Il y a aussi eu les gilets jaunes. Quelques gilets jaunes qui ont été aperçus lors de ces blocus, plus par soutien, et voilà, qui ont appelé à la convergence des luttes. Voilà. D'accord, ouais. Mais il y a eu aussi des lycéens qui manifestaient pour les gilets jaunes aussi. Ouais, pour leur avenir, bien sûr, qui étaient là. Ouais, ils ont fait un beau bordel, d'ailleurs. Bah ouais, d'ailleurs dans le nord de la France, j'ai pu voir ça hier, c'était un gros bordel. Ils sont chauds. Ils sont très très chauds, ils ont compris que c'était un peu la merde. Et voilà. Et d'ailleurs, pour revenir sur les gilets jaunes, on va aussi revenir sur ce qui s'est passé ce week-end donc à Paris. Comme vous le savez, samedi, ça a été beaucoup plus violent que la semaine dernière. Et voilà, donc nous, on va un peu parler de ce que les médias ont voulu nous faire retenir. Alors, ce que les médias ont voulu nous faire retenir, c'est qu'il y a eu beaucoup de casse, beaucoup de pillage. C'est le mot qui revient beaucoup, voilà. Effectivement. Casse, pillage, ouais. Dégradation. C'est la bonne excuse pour se camoufler derrière un beau mensonge. Et nous, ce qu'on a retenu, parce qu'on était sur place toute la journée, donc par rapport au peuple, on a vu un... Alors, autant qu'on soit formel là-dessus, tout ce qui est dégradation, sur l'Arc de Triomphe, en tout cas, tout ce qui est tag, tout ce qui est casse, ça, on dénonce complètement. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être pas d'accord, ouais, avec moi, mais ça, on le dénonce. Moi, je pense que rien que le fait d'investir l'Arc de Triomphe, d'être dessus, de se mobiliser dessus et de le bloquer toute une journée, c'était largement suffisant. Maintenant, le casse, c'était peut-être pas forcément la meilleure solution. Après, je peux le comprendre, mais... comme dans toutes les manifs, voilà. Il y en a tout le temps, au final. On peut pas contrôler les gens non plus. Et c'est pas les gilets jaunes, c'est qu'il y a des gilets jaunes. Et même, c'est des casseurs, ouais, et beaucoup de gens dedans. Voilà. Mais après, nous, ce qu'on a aussi beaucoup retenu, c'était qu'il y a une énorme solidarité énorme. C'est qu'en fait, il y avait... jamais vu. Mais grave, il y avait des gens lambda, il y avait des gens, des jeunes femmes de mon âge, comme des mamans, comme des mamies qui étaient là. J'en ai vu à la fin de journée qui me disaient, mais clairement, moi, quand je vois que je suis venue avec ma petite pancarte, militer pacifiquement, et que je me suis fait gazer 10 fois, mais en fait, j'ai envie de prendre un gros caillou, là, j'ai envie de le jeter sur la gueule des CRS, et je prends sur moi. Donc au final, ouais. Nous, ce qu'on a ressenti, c'est vraiment une solidarité, parce que tout le monde était dans la même case, il n'y a pas vraiment de parti. Autant on a vu beaucoup de logos ACAB, donc d'extrême droite, et aussi de logos d'extrême gauche, autant en majorité, il y avait des gens sans parti, ou des gens avec parti, mais c'était pas ça le but, c'est pas Macron qui a repris ça, c'est contre Macron, donc non. Ouais. C'est pas Mélenchon, c'est pas Marine, c'est vraiment le peuple français qui se réveille et qui en a clairement marre. J'ai aussi ressenti pas mal de désespoir et de colère sur la tête des militants. Bah, les gens en ont marre. Bah, clairement, en fait, c'est ça. Les gens en ont marre et ils ont bien raison. Il y a aussi eu énormément de haine, mais c'est vraiment des deux côtés, pour le coup. Parce que c'est vrai qu'aux infos, on a tendance à entendre, oui, beaucoup de casseurs, etc. Mais je pense que nous, on a vu un affrontement. Mais c'est pas seulement les casseurs. Enfin, il y a aussi beaucoup de CRS qui ont été dans la colère. Et même quand je vois Castaner qui sort la solution à la télé, c'est pas, je cite, la solution, c'est... Il faut qu'on prévoie comment à l'avenir on va pouvoir mieux taper, comment on va pouvoir mieux sévir afin de mieux contrôler. Non, mec, en fait, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est comment à l'avenir on va faire. La solution, à l'avenir, c'est pas comment mieux casser sur les manifestants et comment mieux les réprimander ou comment mieux faire une plus grosse répression. La solution, c'est Et si on écoutait le peuple, si on écoutait les revendications, etc., etc. Et qu'on arrêtait d'étouffer le peuple avec des vieux mensonges et se camoufler derrière des excuses un c'est, peu bidons. C'est totalement ça. Comme le fait notre Premier ministre et Castaner, ils le font très bien. C'est ça, vrai. En fait. Ouais, c'est des belles excuses. C'est vraiment en assemblée, c'est genre, coucou les gars, alors on a pillé l'Arc de Triomphe, ok. Mais la question, c'est autant nous on dénonce ça, mais aussi il faut aller plus loin. Genre, pourquoi des personnes lambda en sont venues à faire ça? Il n'y a aucun moment la question se pose, il n'y a aucune remise en question. Et ça, c'est pas très cool. Surtout que les revendications, pour ceux qui ne le savent pas, sont vraiment très intéressantes parce qu'on a pu échanger avec pas mal de militants et aussi se renseigner avec, entre guillemets, les chefs de parti. Parce que j'estime qu'il n'y a pas forcément besoin de chefs de parti, mais bon, on a pu se renseigner et on va vous citer les revendications principales et les autres propositions qui sont très très intéressantes. La première, c'est revoir à la baisse toutes les taxes, création d'une assemblée citoyenne. Ensuite, on a les propositions, donc on a les transports, sur les transports et sur l'écologie, on a la réduction des taxes et des carbones, on a l'interdiction du glyphosate, et pour ceux qui ne savent pas, le glyphosate, c'est ce qui est mis, c'est un pesticide qui a été mis dans pas mal de plantations, pas mal de champs, c'est quelque chose qui crée énormément, enfin dans la grosse agriculture, c'est ce qui permet, c'est ce qui crée, pardon, énormément de cancers. Et le truc, c'est qu'en assemblée, ça avait déjà été voté, il y avait beaucoup de personnes qui avaient dit qu'ils étaient contre, mais eux ont dit non, en fait, on s'en fout clairement. Que vous soyez contre ou non, ça crée plus, le rendement est plus important, donc on va le maintenir. Il y a aussi l'annulation du projet de la loi sur le biocarburant à l'huile de palme. Ensuite, il y a des réformes institutionnelles, donc par exemple la consultation du peuple plus fréquente, par voie de référendum non seulement à la fois national et aussi local. On a la reconnaissance et la comptabilisation, du vote blanc, des scrutins électoraux notamment. Par exemple, quand on voit qu'au niveau des votes blancs, quand on voit que Macron a été élu avec plus de 50% de la population, il a été élu, à 46%, il y a 50% qui n'a pas voté et que lui, à aucun moment, on s'est dit, tiens, c'est la merde, il faut se remettre en question, forcément, ça laisse à poser des questions et on en a marre. Il y a aussi par rapport aux emplois et aux entreprises. Donc, les Gilets jaunes demandent la baisse des charges patronales, l'augmentation des aides financières publiques pour l'embauche, donc CDI, CDD en apprentissage, l'augmentation du SMIC pour que le SMIC passe à 1 300 euros. Et qui soit aussi revalorisé en fonction, en conséquence du quotient familial. Il demande aussi un aide de retour à l'emploi, donc la reconversion professionnelle, avec des formations beaucoup plus efficaces et plus valorisantes. Et surtout le respect de la parité homme-femme, donc avec une rémunération égale et alignement de la qualification. Ils ont aussi des revendications pour lutter contre la précarité, donc l'augmentation des retraites. Que le retraité ne passe pas, soit pas juste à 400 euros, parce qu'on a vu un retraité, par exemple, qui nous disait « Coucou les gars, moi j'ai travaillé toute ma vie, et là, je vais toucher 400 euros de retraite par mois. » C'est juste pas possible, en fait. C'est totalement en dessous du SMIC, et c'est juste invivable. Eux, ce qu'ils demandent, c'est 1 200 euros. Alors, c'est peut-être utopique, mais c'est vrai que 1 200 euros, c'est largement suffisant. Ils demandent aussi une réévaluation de l'APL et une augmentation des aides aux étudiants avec, par rapport à l'installation, la mobilité et la culture. Ils demandent aussi une réduction du budget des comptes publics. Alors ça, c'est super intéressant parce que c'est la réduction des salaires des membres du gouvernement, la suppression des privilèges, donc par exemple les salaires après mandat. Un truc qu'on comprend pas, genre pourquoi monsieur le président après mandat devrait toucher des centaines ou des dizaines de milliers d'euros. Non, surtout vu le taf qu'il fait. Pareil pour les emplois fictifs et les indemnités, en fait. C'est juste aberrant. La présence physique obligatoire des élus en assemblée et le contrôle des notes de frais des élus. Ah oui, parce qu'il faut savoir que les élus en assemblée sont payés des milliers d'euros. Parfois, ils ne se présentent pas et parfois, ils dorment. Donc en fait, mec, ok, t'as fait 5 ans d'études intéressantes, mais au final, t'es payé 5000 balles, 6000 balles pour t'allonger en assemblée et dormir. Mec, moi, si c'est que ça, moi aussi, je veux bien ton taf, en fait. Et voilà. Et après, en termes d'éducation, de culture et de santé, les Gilets jaunes, et plutôt le peuple, réclament une création d'un vrai post-bac, l'inclusion des personnes handicapées dans tous les domaines de la société, un accès à la culture pour tous et la suppression de l'article 80. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'article 80, c'est un article qui touche de manière générale, enfin plutôt plus précisément les ambulanciers. C'est un article qui dit clairement que dans les grosses lignes, les patients ne doivent plus choisir les transports sanitaires, mais ce sont les établissements de santé qui vont les imposer. Seulement, les établissements de santé vont réussir à tenir le coup. Seulement si des grosses entreprises vont investir dedans. En termes de grosses entreprises, les grosses entreprises n'investissent pas dans les petits services. Ils investissent que dans les trucs qui rapportent. Du coup, eux, en fait, bah, ils trouvent que c'est une concurrence totalement déloyale et qu'en plus de ça, bah, c'est pas cool en fait. Et c'est pour ça qu'hier soir, on a eu une énorme manifestation. D'après la police, il y a eu 500 ambulances devant l'Assemblée nationale. Moi, j'y étais sur place, on n'avait pas 500, il y en avait beaucoup plus parce que ça partait de la place de la Concorde. Il y en avait un peu sur les champs, ça a monté devant l'Assemblée, ça a monté aussi sur le boulevard Saint-Germain. Enfin, c'était vraiment, c'était blindé, j'ai jamais vu ça. Et voilà, ce qui était cool, c'était de voir qu'ils sont très déterminés. En gros, moi, je suis arrivée peut-être à 17h, à 19h30, 20h, on leur a dit, oui, écoutez, venez devant le palais, devant le ministre de la Santé, on va vous recevoir. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est clairement, en fait, non, on sait que c'est de la couille, on sait qu'on va aller là-bas pour qu'on puisse libérer l'axe. Nous, on va rester là, et la ministre de la Santé va devoir se déplacer, on veut des réponses concrètes, on veut des actions concrètes, et si on les a pas, en fait, on bouge pas. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, pour eux, c'est clairement une injustice, et c'est normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu la loi est passée il y a à peine 2 mois, et que depuis 2 mois, il y a déjà des grosses sociétés qui ont déjà commencé à fermer. C'est quand même énorme. Il faut savoir qu'aussi que sur les 80% des 5600 sociétés, il y a 80% des sociétés qui sont menacées, en fait. Et que clairement, les ambulanciers hier me disaient, là, si ça continue comme ça, d'ici même pas 2 ans, on a énormément de chômage dans ce secteur-là. Mais forcément, eh ben Macron, fidèle à lui-même, il en a strictement rien à foutre. Parce qu'il faut rappeler qu'après samedi, le seul commentaire qu'il a fait, c'est, je cite, « Pour moi, le peuple qui fait ça, ce n'est pas l'expression d'une colère légitime. » Je vais continuer mes réformes sans aucune démagogie. Mais oui, mais ouf. Salut. En fait, les gars, ce que vous faites, c'est de la merde, clairement. Moi, je vais faire passer ce que je pense et je vais jamais vous écouter. Ça veut rien dire en plus. C'est ça. Donc, en fait, une traite, ça veut rien dire. Au bout d'un moment, je pense que t'as été élu. Hier, j'ai vu un tag très intéressant qui était à côté de la Madeleine qui disait. Tu as été élu par défaut, n'oublie pas. Et ça, il faut le rappeler en fait, c'est vrai. T'as pas été élu à 100%, t'as été élu à 40%. Et il y a eu beaucoup d'absentéisme. Donc en fait, voilà, fais gaffe, remets-toi un peu en question. Le peuple est après toi, mec. Hein. C'est ça. Pause pub, pause musique, pause pub. Je pense que nous allons faire une petite pause musicale. Ensuite, on reviendra avec un appel d'un camarade qui va pouvoir un peu nous témoigner de ce qu'il pense de ça. Et voilà. À tout de suite. À tout de suite sur Fond près du radiateur. Back to Moscow, and now it's 2 long years waiting around to die. Now I'm out of prison, and I got me a friend at last. And he don't steal or cheat or drink or lie. Well, his name is Codeine, and he's the nicest thing I've seen. And together we're gonna wait around. Allô, allô. Oui, oui. Ouais, ça va, mec? Ça va, toi? Bah ouais, tranquille, on est là, on a un petit souci, tu sais. Bah, les imaneries, tu connais. Bon, alors, vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous dire ce soir? Bah alors, du coup, c'est un peu complexe, parce que j'ai pas du tout suivi ce qui s'est dit avant, alors je suis désolé s'il y a des redites et tout. Évidemment, ça ne change pas d'habitude. Le mec s'en va les couilles, genre, coucou, je viens de dire ce que j'ai à dire et je me casse. On dirait presque Macron. Bon, toujours est-il, dans l'idée, en gros, hier, je me suis levé un petit peu tôt et puis... Je me suis reconnecté au monde parce que pendant 3 semaines, j'ai rien suivi. Coucou, j'ai été une ermite pendant 3 semaines. Donc j'ai vu un petit peu l'ampleur que ça me prenait tout ce mouvement. Et au final, je me suis fait quelques réflexions. Du coup, j'ai posé mes réflexions sur papier. Et si vous avez quelques minutes, je peux vous lire un petit peu. On a grave du temps pour toi, toujours. C'est bon ? Ok. Vas-y. Alors, ça donnait un truc à peu près comme ça. C'est le bordel un peu quand même. Mais à vrai dire, je sais pas trop si c'est une bonne chose que ça se mobilise pour les raisons revendiquées. En vrai, je sais pas si ça assure une pérennité au mouvement ou si c'est plus une expression solidaire de plein de égoïstes. Alors dans un sens, il y a une prise de conscience, mais pour quel motif? Est-ce que réclamer du pouvoir d'achat à un gouvernement, ça revient pas un peu à dire à un arbitre qu'on n'aime pas ses décisions sans remettre en cause tout le règlement? Parce que visiblement, tout le monde a l'air d'accord pour dire que ça manque de pouvoir d'achat, que tout est trop cher, machin, machin. Mais si c'est pour maintenir un train de vie, une vision du bien-être qui se base seulement sur la consommation, et donc une vision du malheur synonyme d'absence de consommation, est-ce que c'est un bon début ou est-ce que c'est contre-productif? Parce que, à ce titre, faut pas oublier d'où vient cette conception du bonheur. C'est pas, comme on dit, les petites gens, les sans-dents qui ont sorti cette carotte de leur cul, et je pense qu'on peut valoir un peu mieux qu'un mulet, quoi. Donc, j'ai lu quelques bouquins sur des insurrections, tout ça, et à vrai dire, là, je suis plutôt sceptique, parce que... Je trouve qu'on n'a pas l'air d'être dans une volonté de prise d'indépendance, mais plus une demande de tutelle différente. Alors, on demande une destitution, ok, mais pour voir quelle récupération politique derrière. Parce que si tout le monde s'accorde à dire que le problème vient du clivage mis en place par ceux au service des plus riches, blabla, toute la rengaine, on pourrait aussi aller jusqu'à dire que la lutte, finalement, elle est principalement économique. Auquel cas, est-ce qu'une résistance passive, doublée d'un prosélytisme intelligent et stratégique, ne serait pas une meilleure introduction aux enjeux qu'on pourrait voir fleurir de tout cette bouse? En fait, je me demande surtout, est-ce que le mouvement n'a pas été trop spontané? Est-ce qu'il faudrait pas, plutôt que de ne revendiquer aucune ligne politique derrière, essayer de faire du mouvement, par essence, un mouvement apolitique et plutôt philosophique que matérialiste? Selon moi, en tout cas ce que j'ai cru comprendre de tout ça. Qui dit révolte globale doit surtout dire cohérence. Et pour faire une analogie, là, j'ai un petit peu l'impression de voir un caprice d'enfant dans sa poussette qui sait pas encore parler. Il crie, il pleure pour faire du bruit, pour qu'on l'aide, mais lui-même, il a pas l'air de savoir exactement pourquoi. Est-ce que ce serait pas le moment propice pour essayer d'apprendre à cet enfant à marcher, à se nourrir, pour qu'il sorte de sa poussette et qu'il veuille plus y aller? Et mieux, qu'il réclame à ne plus jamais y être. Honnêtement, depuis le début, j'ai un petit peu de mal à y croire à cette mobilisation. Ouais. Par exemple, un truc qui me dérange, si c'est censé être global et universel comme lutte, et s'il y a du monde qui va parler au Condé en tant qu'humain, je veux dire, parce que bon, ils représentent leur fonction, mais... Mec, c'est... Oui ? Je suis désolée, est-ce que je peux t'interrompre deux secondes ? Vas-y. Bah, sinon, tu me connais. Par rapport à ce que tu dis, je suis obligée de réagir parce que sinon, je vais oublier. Faut savoir que nous, samedi, on a rencontré pas mal de monde et qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disaient on demande une destitution, donc une démission de Macron, mais... Je leur ai dit, ouais, mais du coup, on veut quoi à la place ? Ils m'ont dit, on veut pas, en fait, un espèce de candidat préfabriqué qui fera exactement les mêmes erreurs, en fait. On veut totalement une remise en question. Et si t'avais écouté, ne serait-ce que les 5 minutes avant ton appel, ils balançaient pas mal de revendications, en fait, et il y en a, bon, il y en a certaines qui sont totalement utopiques et totalement... Même moi qui suis utopique, j'y crois pas trop, tu vois. Et il y en a certaines où tu sais que... elles sont vachement cohérentes, en fait. Ouais. Elles sont vachement cohérentes, et voilà. Et après, en ce qui concerne... Attends, c'est quoi la dernière phrase que t'as dit ? Ah, on n'a pas... Ouais, je suis là. Non, c'est quoi la dernière phrase que t'as dit ? Allô ? Allô ? Ouais, la dernière phrase que t'as dit, tu m'entends ? Oui, la dernière phrase que j'ai dit, j'entends. Non mais, putain. Il m'a entendu, mais... Connard, juste avant ça, putain. Je reprends là où j'en étais. Ouais. Ok. Donc, par rapport au Condé, moi ça me chagrine. Ah oui, attends, désolé. Ouais. Franchement, je suis la pire meuf de la radio parce que je te coupe volontairement. Par rapport au Condé, en fait, il faut savoir que nous, ce qu'on a vu, et je pense que c'est pas rare, on a vu pas mal de militants, discuter avec les Condés, tu vois. Et c'est très compliqué parce que, par exemple, genre samedi dernier, moi, je prenais des photos, et à un moment, il y a un flashball qui a vraiment éclaté littéralement à genre même pas un mètre de ma gueule. J'étais là en mode, ouais, tu me connais, j'ai pété les plombs, je suis allé voir les keufs, genre vous êtes vraiment des fils de pute, d'où vous faites ça. Et les keufs n'avaient aucune réaction. Et t'en as un qui m'a pris à part, qui m'a dit, ouais, écoute, moi je m'excuse pour lui parce que c'est vrai que c'est pas forcément cool. Maintenant, il a pas fait exprès. Je t'ai regardé, je fais gros. C'est très honorable de ta part de t'excuser. On va pas se mentir, le mec, il a littéralement visé ma gueule à moins d'un mètre. Je pense qu'il a vraiment visé, tu vois, qu'il a fait exprès. À côté de ça, t'avais des mecs qui sont venus, genre, ouais. Nous en fait on est comme vous, clairement on est le peuple, mais on est comme vous, on se bat pour des droits maintenant, demain on se battra, enfin on se bat même pour les vôtres en fait, et là clairement parce que ça vous touche pas encore, vous êtes pas dedans, donc vous obéissez un peu au petit ordre vous êtes un peu des toutous, tu vois, genre vous obéissez aux ordres qu'on vous donne et vous posez pas trop de questions, mais dès que vous allez recommencer à croiser vos sœurs ou vos frères ou dès que ça vous touchera vous personnellement, vous allez commencer à vous mobiliser, tu vois. Et en fait, dans ces keufs là, ce qui est très très intéressant, c'est que t'avais des visages totalement impassibles, donc les mecs qui s'en battent les couilles. Et t'en avais d'autres en fait qui nous regardaient, genre ça se voyait clairement que sur leur tête il y avait écrit bah en fait ouais je suis d'accord mais je peux rien dire, tu vois. Et du coup c'était vachement intéressant d'avoir ces deux visages, cette comparaison entre les deux. Donc voilà, c'était un peu pour revenir sur ce que tu disais à la fin. Très bien, Jonas, comme quoi hein, faire l'ermite c'est pas forcément pour nous. Non, ouais, de ouf. Mais alors du coup, est-ce qu'à la rigueur je peux sauter cette partie là puisque vas-y. Pas vraiment utile du coup. Vas-y, livre à toi mec. Ouais. En gros. Là où j'allais en arriver, et là je lâche mon texte du coup, c'est que, de manière générale, il y a peut-être un truc qu'on a vu venir avec la journée de boycott et tout, mais si on se plaint d'un système, et donc plus des règles de fonctionnement général de notre monde, il ne faut pas oublier qu'un système basé sur la consommation, c'est une chaîne et on fait partie de cette chaîne. Et à la rigueur, il y a un truc super marketing, genre trop trop bien, tu vois. On est tous d'accord pour dire qu'il y a plein de multinationales complètement claquées, la vie de tout le monde, machin. Est-ce que on pourrait pas essayer de faire un truc à part des plus ? Je t'entends plus. C'est un peu genre juste dire plutôt que d'inciter les gens à faire quelque chose, parce que c'est toujours très compliqué de se trouver. Peut-être essayer d'axer le plus le mouvement et donc la voix qu'on peut porter sur arrêtons de faire marcher le système, arrêtons d'être dans cette chaîne et juste tout simplement ne leur donnons pas l'occasion d'avoir du pouvoir sur nos vies. Ouais, mais arrêtons de faire marcher le système, comment alors ? Mais non, mais peu importe, juste, t'imagines si pendant, genre, je sais pas, 15 jours, c'est ok, je sais pas, tout le monde, plus personne achète Apple, Nike, Coca, McDo, tout ça. C'est très bien facile, que ce serait beaucoup plus efficace, parce que c'est tout le langage. Non mais mec, regarde, un truc tout con. Autant sur les chants, la semaine dernière, bon, c'était moins la jungle que... C'était, non, il y a deux semaines, c'était moins la jungle que samedi dernier. Mais autant le fait d'avoir Kevlo, les Champs-Élysées, le jour de la saison de Noël qui est lancée, toutes les boutiques ont fermé. Franchement, en train de l'économie, ça a fait quand même quelque chose de gros, tu vois, je pense. Je pense que, tu vois. Ouais, après, c'est en France. Mais là, clairement, la question de. Je pense que la question des gilets jaunes, autant elle se passe en France. Et je pense que dans les autres pays autour, c'est autant la merde. Franchement, quand tu vas au Venezuela, par exemple, c'est mille fois pire que ce qui se passe. Tu vois, les mecs se mobilisent aussi. Genre, et pourtant, ils font les mêmes actions que nous, mais même en mille fois plus grosses, avec plus d'envergure. Tu vois, donc au final. Justement, est-ce que c'est pas le bon moment, et ça, je reviens à la fin de mon discours, est-ce que c'est pas le bon moment pour essayer de rediriger un petit peu le truc? Ouais, mais tu le rediriges comment? Parce que regarde, quand t'as un président comme Macron qui en a. Mais le pire, tu vois, c'est que c'est. Enfin, moi, ce qui me choque le plus, c'est que c'est pas un président qui est là, genre, coucou les gars, je fais semblant que je vous entends et je vous encule par derrière. C'est le mec, en fait, ouvertement, il dit, écoute, moi, je te prends, je t'encule avec du gravier, je suis désolé pour les propos, tu vois. Je te prends un sec, clairement, et je m'en bats les couilles, en fait. Et t'es, ouais. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. Et tu vois, et tout à l'heure, je disais, ouais, Macron, n'oublie pas que t'as été élu par défaut. En fait, je pense qu'il le sait. Tu sais, en mode, les gars, vous m'avez élu par défaut, certes, mais vous m'avez quand même élu. Donc à partir de ce moment-là, bah moi je vais faire ce que j'ai dit, tu vois. Et à aucun moment il y a la remise en question sur le peuple. Tout à l'heure, ce que je disais, par exemple, quand tu vois Castaner qui dit quand même samedi prochain, en préparation de l'acte 4, à aucun moment il a dit bah tiens, je vais peut-être écouter les revendications, on va essayer de, bah peut-être entendre des gens ou prendre du recul. C'est comment préparer l'acte 4 et comment plus facilement niquer des manifestants. Pour parler clairement, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis, mais il y a vraiment un souci, tu vois. Quand Macron, oui, il dit clairement qu'en gros, vous êtes des cassos quand vous militez, et que moi, bah, je vais punir tous les gens qui militent, et qu'en plus de ça, je vais continuer mes réformes, bah, à un moment, mec, t'as juste envie de lui dire, non, en tant que t'es pas le roi, t'es un président de la République dans une démocratie, enfin, je sais pas, dans un monde normal, ouais. T'es censé dire, ok. Bon, ouais, ouais. Là, alors, c'est un peu la merde. Ok, mon peuple entend ça. Alors, il y a des trucs que je pourrais clairement pas annuler, tu vois. Il y a des trucs que je pourrais pas faire. Parce que voilà, c'est comme ça ou je serais pas d'accord. Mais d'autres revendications, c'est possible. Quand je vois les revendications en mode on va interdire le glyphosate, je suis désolé, mec. Le glyphosate, c'est quand même un truc qui tue. Oui. Le mec en assemblée, enfin, ça avait quand même été voté genre contre. Le mec, il a dit vas-y, on le fait. Et la raison, c'est quoi? Bah, tiens, ça permet de pas plus facilement, enfin, de développer beaucoup plus rapidement. Tu vois, on a de meilleurs rendements, donc on va l'autoriser. Mais à côté de ça, t'as des mecs qui sont en train de te dire, bah gros, moi j'ai chopé un cancer à cause de ça en fait. Donc dans un monde normal, bah tu dois dire, il y a des gens qui meurent, il y a des gens français qui meurent, viens on arrête, mm-hmm. Tu vois. Oui, oui, mais ça je n'aurais pas leur mettre. Après, tu vois, moi ça me choque pas parce que clairement, c'est un banquier, il avait clairement dit qu'il gouvernerait la France comme un banquier, tu vois. Donc ça me choque pas plus que ça. Mais voilà, je comprends que pourquoi les gens sont révoltés. Et au final, je pense que. Je pense que les gens, tu vois, ce qui était intéressant de voir samedi dernier, c'est que c'était vraiment. Pas que des. Que comme les gros titres disent, des manifestants lambda ou des casseurs. C'est non. Des gens comme toi et moi. Franchement, j'aurais grave pu croiser ta mère ou ma mère en manif, tu vois. Genre, ouais, les gars. Non, mais tu sais, c'est vraiment. Ma mère, fin, quand on en parle, elle me dit franchement, je sais pas parce que je taffe, mais j'aurais grave pu la croiser, tu vois. Genre, coucou les gars, j'en ai vraiment marre de ce qui se passe, donc je descends dans la rue, en fait, tu vois. Donc c'est. Je sais pas. Alors, du coup, je suis totalement d'accord dans l'idée avec tout, même si je vais pas faire du point par point pour détailler, parce que voilà. Mais juste en gros, t'as dit un truc, c'est que je sais plus comment t'as tourné ça, mais Macron il a dit qu'il allait la mettre à l'envers à tous ceux qui essayaient de faire quelque chose. Est-ce que du coup justement la désobéissance civile, le principe c'est pas justement de ne rien faire et de casser les couilles comme ça? Est-ce que là tout de suite ce serait pas plus intelligent? Parce que finalement, tu vois, il y a un moment dans mon petit texte, je disais là en descendant pour aller casser du Condé ou alors me faire défoncer, parce que c'est quand même eux qu'on les matraque dans l'idée, mais je me sentirais plus utilisé qu'utile. Je trouve que là, le mouvement, il manque de cohérence, en fait. Bah après, je pense non, que... Je pense, cette année, tout ça, je comprends, mais... Après, je pense que le seul problème, enfin, le problème majeur, en fait, c'est que, au-delà des revendications qu'on expose clairement, le problème majeur, c'est qu'en fait, le seul truc qui est médiatisé, bah, c'est la casse et c'est le pillage, tu vois. Le seul truc qu'on met en avant, c'est ça. Et justement... Donc forcément. Mais tu vois, ce qui est cool... Et du coup, c'est pour ça que c'est important que bah, des radios comme la FPP... Ou genre Paris Lutte Info, tu vois, par exemple, ou d'autres médias qui sont clairement sur le terrain. Parce que nous, pour monter cette chronique, on était vraiment sur le terrain de toute la journée, tu vois. Quand tu te fais des images par toi-même et qu'après, tu as le moyen de pouvoir diffuser ce qui s'est passé réellement, de dénoncer les réelles revendications, de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, franchement, ça va être de ouf. Par exemple, tu vois, alors le samedi soir de la semaine dernière, moi, je suis rentrée chez moi le soir, bah, mes parents, forcément, ils regardent la télé, on zappe, on tombe sur BFM. quand j'ai à BFM, genre oui, des gilets jaunes sont venus, ils ont pillé la tombe du soldat inconnu, je me dis mais en fait les gars vous dites de la merde. Nous on y était, ce qui s'est passé c'est que t'as des vétérans qui sont venus, les gilets jaunes se sont écartés, ils les ont applaudis, ils les ont aidés à ramasser tout ce qui était les fleurs de la commémoration, tu vois, et le drapeau de la France. Ils ont chanté la Marseillaise, ils les ont applaudis, ils les ont escortés, jusqu'à la sortie de l'Arc de Triomphe pour pas qu'ils se fassent gazer par les keufs, tu vois. Oui, alors, et ça, ça a totalement été tourné, tu vois. Et je me dis, mais au final, les médias, ce qu'ils veulent, enfin, ils nous balancent en fait que ce qu'ils veulent qu'on retienne, tu vois. Et c'est trop facile. Alors que. Je sais pas. Et justement, c'est ça que je te dis. C'est que, en gros, le ressenti que j'ai, c'est qu'on s'est mis, enfin, je m'inclus dans le truc bêtement parce que j'y suis pas. Mais ce mouvement, c'est ainsi dans une optique de nous contre le reste. Ouais, mais non, justement, mec. Attends. Pardon, vas-y, continue. Le truc, c'est que, en fait, si on se met pas dans cette position où on peut nous blâmer et qu'on fait, et qu'on entreprend des choses peut-être plus réfléchies, maintenant qu'on a ouvert la réflexion et maintenant qu'on a ouvert nos chakras, comme dirait nos mères, admettons. Hashtag Naruto. Avec une portée plus importante que juste des trucs qui frappent le champ, tu vois. Parce que c'est bien, c'est un début, je dis pas, et c'est spontané, et moi, c'est le premier truc qui m'a plu dans ce studio. Mais, justement, si c'est trop spontané, ça risque de mal se terminer. Et je pense que là, il y a une aubaine à saisir, une aubaine pour dire, bon, ok, là, on est tous d'accord pour dire que ça va mal. Concrètement, est-ce qu'on s'y prend pas vraiment très bien pour que les choses aillent mieux? Ouais. Parce que finalement, si on pousse ce truc plus loin, oui, là, c'est Macron, sa gouvernance, machin, qui a fait qu'on arrive... Non, justement, c'est pas que ça. Plus loin, attends, du coup je finis, après on se contredit. Plus que ça, je pense que finalement c'est tout un système dans lequel on vit qui est à déplorer. Ah mais oui, mais en fait, moi je pense... Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'entreprend pas des actions contre... En fait, mec, je pense que ce qui se passe... C'est sur ces acteurs. Mais mec, en fait, je pense qu'il se passe, c'est pas que ça va plus loin que ça. Juste finir ça. C'est comme le principe de dire, est-ce que ça suffit de donner à un SDF à manger ou une pièce, ou est-ce qu'on pourrait pas dire que le mieux, ce serait d'essayer de trouver un... Mais ouais, mais justement, en fait, c'est pour ça que... Tu sais quoi, attends, t'arrives bientôt de toute façon à la radio, donc je pense qu'on pourra reparler de ça après la pause musicale et après l'interview de Lola et de son très beau film. Mais voilà, en fait, là, je pense que pour le peuple, en fait, c'est pas juste... Vraiment, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas juste Macron, c'est juste un ras-le-bol, en fait. Depuis des années, c'est comme ça. Après, est-ce qu'il a fallu que ça pète maintenant pour que tout le monde en prenne conscience? Peut-être, j'en sais rien. Est-ce que... Je pense que pour certaines personnes, il y avait des gens qui avaient déjà capté que c'était la merde, et donc qui militaient déjà, et que maintenant, ça touche beaucoup plus de monde, tu vois. Quand je vois qu'après le 1er décembre, il y a quand même encore 75% de la population française qui est encore derrière ce mouvement, je me dis que c'est peut-être pas rien. Et voilà. Après, les solutions... pour certains, bah forcément, c'est que manifester. Pour d'autres, elles sont comme toi, elles sont plus pacifiques. Donc, tu vois, ça mais dépend. Il faudrait pas que ce soit mais... autre, en fait. Il faut que ce soit complémentaire. C'est ça, oui. Après, il faut savoir qu'attends, que ça touche pas. C'est pas en mode nous, genre quartier populaire, quoi que ce soit, contre le reste. Je pense que c'est vraiment le peuple, en fait, qui se révolte et que maintenant, ça touche plus. Il y a des trucs qui n'avaient pas de sens. Nous, samedi dernier, on a vu des meufs dans le 16e qui sortaient, qui ont dit attendez, les gars, moi, je suis grave avec vous. Laissez-moi juste rentrer ma Porsche, mais pour le coup, je suis grave avec vous, tu vois. Je me dis, et du coup, c'est... Voilà. C'est mais bon. Maintenant que cette étape, qui est franchement, à mon avis, la plus difficile, est passée. Là, on a ouvert une réflexion et un dialogue. Et je pense que là, le dialogue, il n'y a même pas de dialogue, en fait, c'est revendication. Et tout ce qu'il y a autour, là, j'ai jamais entendu quelque chose qui s'écarte. Ou alors, mais peut-être que du coup, c'est moi parce que je me suis... Parce que t'as fait l'ermite. J'ai pas franchement entendu des gens dire, on veut quelque chose de complètement différentes qui sortent vraiment si, de... Si, bah justement, et c'est ce qu'on disait juste avant, en fait, c'est que les manifestants, tu vois, ils réclamaient vraiment des trucs concrets, et je te montrerai la liste quand tu viendras. Mais de toute façon, là, on va passer à une petite pause musicale, et après ça, bah, dès que t'arrives, on reprendra sur le sujet, mec. Chaud ? Bah, ouais. Ou au pire, on te rappelle après la fin de la pause musicale et on continuera sur le sujet. T'es chaud ? Bah, ouais, écoute, hein. De toute façon, t'as pas le choix. Chez mon Macron, là. Vas-y. Juste, un dernier point avant de... Ah, dernier point ? Si effectivement ce message-là n'a pas été passé assez efficacement, ça montre peut-être qu'il y a quelque chose à faire en ce sens-là, au moins. Ouais, totalement. C'est pas que j'ai une vision révolutionnaire du truc, mais je pense qu'il y a quand même des trucs à améliorer, il ne faut pas se contenter de dire c'est bien, c'est déjà bien. Ouais, mais non, justement, mec, c'est ça, et c'est pour ça que c'est ce que je disais, c'est que le mouvement, pour l'avoir vu en live pendant plusieurs semaines et l'avoir étudié, c'est que ça va au-delà de juste c'est bien ou pas, en fait. De toute façon, quand t'arriveras, on te montrera la liste des grosses revendications qui sont vraiment majoritaires, et voilà, et tu feras ta propre avis, et justement, ton propre avis plutôt, et après, tu nous diras ce que t'en penses, et voilà. Allez, on passe à une petite courte pause musicale, et vous êtes toujours sur l'émission Au fond près du radiateur. Turn off your mind, dream. Et rebonjour et rebonsoir, vous êtes toujours sur l'émission Au fond près du radiateur, 106.3, fréquence Paris pluriel. Donc voilà, on aura peut-être le camarade François Pelt qui va revenir après pour nous donner son avis sur les gilets jaunes et sur toutes les revendications, après les avoir lues bien sûr. Et voilà, et sinon pour un rendez-vous manif, on en a une donc samedi, vous êtes attendus sur les Champs-Élysées, à Opéra, à Saint-Lazare. Donc ça c'est la manif gilets jaunes. Il y a aussi une manif antifa, parce qu'il y a eu pas mal de fachos ce week-end, et c'est un peu la merde. Et voilà, donc si vous y allez, attention à être très vigilant, à vous protéger, donc tout ce qui est forcément lunettes de piscine, lunettes de ski, grosse écharpe et tout le reste. Et surtout, faites attention à ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a aussi eu un appel, il y a aussi une marche pour le climat à Bastille, ce sera à 14h ce samedi-là. Il y a aussi un appel à soutenir tous les incarcérés arrêtés samedi, notamment les injustices. Alors ceux qui ont été arrêtés parce qu'ils ont tagué ou quoi que ce soit, ou qu'ils ont détruit, j'ai pas mon mot à dire là-dessus parce que je peux comprendre. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'injustices, notamment un type, je crois que c'est dans le sud, il me semble que c'est à Narbonne, qui a été arrêté et qui a pris 4 mois ferme parce qu'il faisait partie d'une chaîne humaine. Et en fait, les policiers l'ont arrêté, après ils ont fouillé son coffre, ils ont vu un fumigène. Ils ont dit attention, fumigène égale violence sur agent. Il a été jugé directement le lendemain et on lui a dit 4 mois ferme. Et quand on voit que lui prend 4 mois ferme alors qu'en Irlande, le violeur sur la mineure a été acquitté et qu'à Paris récemment, un mec qui a fait des attouchements sexuels sur plusieurs mineurs a été acquitté. Voilà, donc c'est un peu violent. Et un autre mec qui a pareil fait des attouchements sur mineurs et qui a pris 4 mois de sursis. On se pose des questions sur un peu la justice. Et voilà. Et après, je vais aussi reparler du mouvement Nous Toutes. Parce que j'étais à la manif pour les femmes et c'était vraiment impressionnant. Donc je rappelle encore une fois qu'on a quand même eu 50 000 femmes et hommes mobilisés dans toute la France. 30 000 à Paris. Alors certes, on n'en a pas beaucoup parlé parce que forcément, il y avait les grosses manifs à côté. Mais voilà, le mouvement continue. Il faut continuer de partager encore et encore. Sur les réseaux, vous pouvez aussi réagir sur le Twitter de la radio, c'est un tout nouveau truc, c'est cool. Et donc le Twitter, c'est AFPDR, ou sur le numéro de téléphone au 040 05 06 10. Et voilà. Et là, tout de suite, on va passer à une réalisatrice, je crois qu'elle s'appelle Lola, qui va nous parler d'un film qui se veut un petit peu féministe, mais Alexis va mieux en parler. Et voilà, donc c'est cool. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Box. Jukebox, baby. Put a nickel in for Maybelline. Jukebox, baby. Drop another one for 17. Jukebox, baby. Jukebox Saturday night. You tell me that about. Bonsoir Paris, nous sommes au fond près du radiateur, au fond près du jukebox, 106.3 FM. Bah, comme l'a dit Iman, nous avons un nouveau Twitter, hashtag AFPDR, c'est l'occasion pour vous de pouvoir réagir en direct. Ce soir nous avons une chronique spéciale et c'est une grande première pour cette émission. Nous recevons Lola Gantillon et Donatien Burka. Bonsoir. Ainsi que Arnaud Escusa, compositeur interprète d'un film qui s'appelle Horizontal, qui a été réalisé pendant pas mal de temps du coup et qui va nous parler un petit peu de ce film. Et bien bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. C'est une grande première pour moi de recevoir une réalisatrice, un producteur et ainsi qu'un musicien pour un projet cinématographique de ce point-là. Ça me tenait vraiment à cœur parce que le projet est vraiment très beau, il est très sensible. Dans le point de vue de l'ambiance générale du film, Lola, peux-tu nous parler un petit peu de ce projet qui a mis combien de temps au niveau de la réalisation ? J'ai commencé il y a 5 ans pour la première version d'écriture, il y a 5 ans. Oui. Après, c'était pas 5 ans effectifs parce que j'avais la travail, fac derrière. À côté, etc. Bien sûr. Mais oui, ça a mis un certain temps et ça a mis environ 3 ans et demi avant que je rencontre mes producteurs. Oui. Et avant que le projet soit vraiment lancé. Donc, on peut dire que ça fait à peu près un an et demi qu'on est ensemble avec CH Film sur. Ouais. Sur ce projet-là. Beaucoup de dévotion personnelle, du coup. C'était quelque chose qui te tenait vraiment à cœur. C'était une idée qui... En fait, c'était un projet qui, toi, t'es venu assez... par passion, plus qu'autre chose, du coup. La réalisation... La réalisation, oui, parce que j'ai toujours voulu faire ça. Après, le sujet, il est arrivé pendant mes années d'histoire à la Sorbonne, parce que j'ai fait de l'histoire du genre. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai un peu découvert l'histoire des femmes. dont on parle pas très très souvent dans, au collège, au lycée, etc. Oui. Et c'est comme ça que j'ai voulu développer un personnage féminin l'après-guerre. Le personnage de Louise, du coup. Le personnage de Louise, oui. Qui est du coup joué par Amel Sharif. C'est ça. Qui a fait un travail exceptionnel parce qu'on ressent énormément, je trouve, son, un petit peu sa détresse dans cet environnement qui est en huis clos dans une maison. Et une chose que j'adore avec ce film, pour déjà, entre guillemets, tous nos auditeurs, nous sommes à la radio, du coup, il est assez dur d'imager le travail qui est derrière. Et c'est pour ça que je tiendrai juste à mettre en avant le fait que ce film sera sur France Télévisions, sur France 3, en 2019, que vous pouvez retrouver. Et du coup, c'était c'est un très beau film que je vous invite à regarder une fois sa publication. Et du coup, nous recevons aussi du coup Donatien de CH Film. Oui, bonsoir. Bonsoir, Donatien. Du coup, quelque part, qu'est-ce qui t'a personnellement touché dans ce projet ? On a reçu le scénario à l'été 2017, à peu près. Et d'accord. Ça nous a tout de suite plu dans la maturité d'écriture. Oui. Et aussi parce que c'était traité de la Seconde Guerre mondiale, mais d'une façon qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc on s'est dit que c'était intéressant de prendre l'histoire par ce biais-là, qui était par une femme qui, du coup, n'a pas participé directement au conflit, mais en a subi les conséquences indirectes. Bien sûr. Du coup, c'était une façon de traiter le féminisme et de traiter un sujet historique. Et on s'est dit que, ouais, il y avait un joli film à faire. Et surtout, que c'était l'occasion de découvrir une jeune réelle qui nous a plu. Comme la rencontre s'est bien passée, on a décidé d'y aller, quoi. Et ça s'est extrêmement bien passé. On est très fiers du résultat. Et des deux côtés, d'ailleurs. Oui, mais le résultat est exceptionnel. Parce que c'est pas forcément évident quand on fait un premier film, un premier court-métrage, de partir à l'aventure avec une production qu'on connaissait pas. Et, bien sûr. Et je dois dire que j'ai eu énormément de chance de rencontrer d'abord Alexis Viola, qui est aussi un des producteurs de ce film, et qui ensuite m'a présenté Sillage. Oui. Parce qu'ils m'ont épaulé exactement comme il fallait. Donc des deux côtés, ça a été une belle rencontre. Bah, c'est sûr. En tout cas, ton scénario leur a beaucoup plu et le résultat est franchement très touchant. Oui, et ce qu'il faut souligner, c'est qu'effectivement, on n'a pas l'impression dans un court-métrage, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui participent à quelque chose en commun. Absolument. Et c'est important de le souligner. Alexis a été le premier sur le projet. Il est venu nous voir. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé. Et nous, après, on a monté une équipe qui était passionné parce que le scénario était passionnant. Et il faut réussir pour des jeunes techniciens à bloquer un certain nombre de jours pour venir faire ce projet qui, du coup, avec peu de moyens, avait besoin d'être bénévole. Et donc on est très très fiers d'avoir pu s'entourer d'une aussi belle équipe, mais ça aurait pas pu être le cas si le scénario était pas aussi bon et si la réalisatrice était pas aussi déterminée. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je suis extrêmement ravi de vous avoir avec nous ce soir, parce que c'est un peu le principe de cette chronique, c'est d'encourager et de remercier un petit peu votre travail qui a été magnifique, parce que j'ai vu le film, et je l'ai vu, je crois, 4 fois en tout maintenant, et c'était exceptionnel, et vous mettez enfin tout le travail qu'il y a derrière, c'est avant tout la passion, c'était l'envie de le faire, très franchement, c'était magnifique. Alors, merci. Pour mettre un petit peu nos auditeurs dans l'ambiance du film, je vais nous demander à notre technicien de nous faire une petite page de son qui est directement dans la bande originale du film Horizontal. Thank you. Vous venez d'écouter Arnau Esclusa, du coup, qui a travaillé à la musique pour ce film, ce court-métrage qui s'appelle Horizontal. Arnau, bonsoir. Bonsoir. Arnau Esclusa, du coup, pour tous nos auditeurs. C'était exclusivement du piano, du coup, qui a été enregistré à l'Attaque, à Bois-Colombes. Comment t'es venu un petit peu l'inspiration de la composition sur ce film ? Alors bonsoir d'abord, l'inspiration en fait elle m'est venue en fait lorsque Lola m'a contacté, enfin surtout quand j'ai vu les premières images. Oui. Et en fait on a fait un travail d'équipe avec Lola. Au niveau de la composition pendant... Ouais, depuis chez moi, donc en fait je regardais le film, je jouais en même temps. Et après on se voyait avec Lola et on décidait de ce qui allait, ce qui allait pas. Oui. En tout cas, c'était réussi parce que ton jeu, du coup, qui est un petit peu basé classique, du coup, se portait vraiment très très bien à l'ambiance par rapport à ce film, du coup, qui se base en huis clos dans une maison, du coup, du 18e siècle, c'est bien ça ? La maison est 18e siècle, je crois, mais oui. La maison, ouais. En tout cas, au niveau de la musique, c'était vraiment un très très beau travail, Arnau, parce que du coup, même les bruits de pédales qui résonnent sur ce piano se prêtent très bien dans l'ambiance sur un film qui est noir, qui est indirectement quelque part féministe. Je ne sais pas si tu es d'accord, Lola. Oui, alors moi j'ai appris qu'il n'y a pas de film féministe ou pas. Non, bien sûr. Il y a des réalisatrices féministes, et je suis une réalisatrice féministe, ça c'est sûr. Il y a des sujets qui peuvent être féministes. Oui. Et ça en est un, puisque ça met en image une histoire intime d'une femme pendant la guerre, pendant la libération plutôt. Donc, il y a aussi un personnage qui est joué par Anna Schaeffer, qui est un personnage, on peut dire, un peu avant-gardiste du féminisme. Donc, bien sûr qu'il y a des petits clins d'œil à ce niveau-là. Après, parler comme un film féministe, je suis pas tout à fait d'accord. Oui, d'accord. Mais en tout cas, le personnage de Louise est super bien représenté parce qu'on sent la fragilité, en tout cas, de son être et de son malaise, du coup, par rapport à son histoire d'amour, du coup. C'est un peu compliqué de ne pas spoiler sans trop en parler. Mais du coup, tu poses des questions, mais pour les auditeurs et pour nous qui n'avons pas vu le film, est-ce que tu pourrais donner, peut-être pas la grosse histoire, mais quelques pistes, quelques... Oh. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive chez son oncle à Paris juste après la libération et qui s'avère être un petit peu étrange. Elle fait deux rencontres, la rencontre d'une femme et la rencontre d'un homme. Et avec ces deux interlocuteurs, elle est très fermée, très étrange et on découvre qu'elle a un secret. Et on ne sait pas lequel évidemment jusqu'à la fin du film, mais voilà, c'est un traumatisme qu'elle a vécu évidemment pendant la guerre et voilà. Oui, parce que du coup quelque part il y a aussi énormément c'est à titre historique du coup ce film, parce que du coup le nombre de femmes condamnées à l'indignité nationale est supérieur au nombre d'hommes condamnés à la même peine, généralement à cette époque, du coup, des femmes qui ont été victimes de... qui ont été tondues, qui ont été tatouées, qui ont souffert de tout ça pour des relations amoureuses plus ou moins interdites. Et il est assez fragile de dire que, pour le coup, tous les Allemands n'étaient pas nazis. Et c'est vrai que ce message-là, dans le film, se transpire parce qu'on ressent, du coup, un peu cette peine, du coup, et ce sentiment, du coup, à l'acteur, du coup, qui joue le postier, du coup, qui, lui, était un déserteur pendant la guerre et qui a été accueilli, du coup, par une famille allemande. Oui, il a été... En fait, il s'est enfui du service obligatoire. Et il a été recueilli par des Allemands qui, comme il le dit dans le film, auraient pu évidemment le dénoncer, mais qu'ils n'ont pas fait parce que ce qu'on ne dit pas trop aussi quand on apprend l'histoire de France et l'histoire de la guerre, c'est que tout n'est pas noir et blanc, mais que il y a évidemment des petites histoires intimes qui font que de chaque côté, que ce soit en France ou en Allemagne, il y a eu des gens formidables et des gros salauds, quoi. Oui. C'est vrai. Donc c'est un peu, c'est vrai que c'est un petit peu aussi le sujet du film que de rétablir cette vérité qu'on n'évoque pas souvent. Oui. Et voilà. Yes. Et du coup, qu'est-ce qui t'a quelque part inspiré réellement, profondément à écrire ce scénario du coup? Bah c'est l'histoire que j'ai apprise, c'est-à-dire que quand on m'a expliqué que pendant la guerre, les femmes avaient beaucoup de liberté puisqu'elles prenaient un peu la place des hommes puisque les hommes étaient au front, et qu'ensuite à la fin de la guerre il y avait une espèce de retour de bâton. C'est Fabrice Virgili qui en parle très bien, qui est un super historien et voilà, qui explique que quand les hommes sont revenus, ils ont dit oui, bah vous êtes gentils, vous avez fait ça pendant la guerre, mais c'est pas pour autant que vous allez prendre le pouvoir et qu'il va y avoir une égalité entre vous et nous, quoi. Bien sûr. Donc, et c'est simplement ça qui fait que j'ai trouvé ça intéressant de traiter de manière encore une fois intime, pas vraiment militantisme quoi, ouais, mais vraiment de manière intime avec ce personnage là. Ça sent en tout cas. Ça sent en tout cas de la part d'Alexis. Tout à l'heure, en fait, je voulais juste rebondir. Tu parlais de femmes rasées. Et y a un contraste que je voulais faire, c'est que en France, donc après la libération et tout le reste, on a parlé des femmes rasées et il y a eu beaucoup de femmes qui étaient collabos qu'on a rasées sur la place publique. Mm-hmm. En gros, bah, les meufs, vous avez foutu les merdes, donc on vous rase pour qu'on vous reconnaisse. Est-ce que toi, dans ton film, il y a un rapport entre... Bah, Alexis nous a un tout petit peu spoilé la fin, n'est-ce pas? Merde, je savais pas. Alors, cher auditeur, vous n'avez rien entendu, j'ai jamais posé cette question, on va continuer ça. Non, bah, maintenant qu'on y est, ouais, on peut en discuter librement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, j'ai découvert, enfin, j'ai pas découvert ce phénomène, puisque c'est quelque chose que je connaissais, mais presque dans mon inconscient, c'est-à-dire qu'on l'a évoqué très brièvement pendant mes études, et ouais, en fait, là, on en a vraiment parlé pendant cette période à la fac, et je me suis dit que c'était incroyable, parce que finalement, sur toutes ces femmes qui effectivement ont été tondues, sans même parler de l'humiliation ultime, ouais, des violences et tout ça, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injustices. Et la plupart de ces femmes n'ont pas collaboré, en fait. Ont simplement soit eu des histoires d'amour, soit effectivement ont été au service des Allemands, puisque c'était l'occupation. Oui. C'est-à-dire que quand une femme travaillait, par exemple, dans un restaurant, si le restaurant était réquisitionné par l'armée allemande, elles n'allaient pas arrêter de travailler, puisqu'elles devaient survivre. Donc, elles n'allaient pas arrêter de travailler simplement parce que c'était des Allemands. Donc, ces femmes-là aussi ont été tondues à cause de ça. C'était aussi la période de la délation. Donc, si j'aimais pas trop ma voisine, je pouvais très bien dire qu'elle avait couché avec un Allemand. Donc, en fait, sur le nombre dont je me rappelle plus, mais qui est de tondus, c'est vrai que y a très peu de femmes finalement qui ont été vraiment coupables. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que beaucoup ont été tondus par des résistants. Et donc ça, ça a été difficile, et c'est pour ça que qu'on en a peut-être pas beaucoup parlé et qu'on en a un peu honte, c'est que finalement les héros de guerre ont fait ces conneries là quoi. Je pense que, comme tu l'as dit, la raison pour laquelle on en parle quasiment pas, c'est clairement la honte, en fait. C'est comme Vichy, c'est comme les Juifs et tout le reste, c'est un autre débat, mais c'est clairement la honte qui fait qu'on en parle pas du tout. Bien sûr, la honte de la guerre, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ce film est vraiment très touchant à regarder. Du coup, je remercie, en tout cas moi personnellement, Siage, du coup, et Sayal B d'avoir pu accompagner Lola sur ce beau projet. Du coup, si on doit parler un petit peu statistique, en tout cas, je sais qu'il y a entre... Après, les chiffres sont jamais réellement exacts par rapport à l'histoire, mais il y a entre 6 000 et, 6 000 et 15 000 à 20 000 femmes qui ont souffert de ouais, cette... 20 000, je crois. De ça, 20 000 c'est ce que j'ai écrit. C'est ça. Je crois que c'est ce que j'ai écrit. Je crois que c'est ça, mais je suis pas trop sûre, les gars. Les histoires là, me tapez pas sur les doigts. On adore. En tout cas, vous avez une sacrée équipe. Vous avez eu Hugo Chaplon comme chef décorateur. Vous avez eu Maëlia Soret de Lavareille en tant que qu'ensemblière, en assistant décorateur. Christophe Laplace. Vous avez eu Mélissa Landron en tant que maquilleuse. Et chef coiffeuse, il y a eu Floriane Seguin. Eh bien, écoutez, j'aimerais bien faire une petite pause musicale, encore une fois, sur le thème du film composé par Arnaud Escluza. Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Vous êtes au fond près du jukebox et du coup nous allons parler un petit peu avec toi, Donatien. Bonsoir. Bonsoir. Je tenais à préciser qu'effectivement la partie la plus amusante du film, c'était de faire exister ce Paris de 1945. Oui. Ce Paris oui. de la Libération. Et justement, faire exister un film d'époque, quand on est dans l'économie du court-métrage, c'était hyper intéressant et ça a demandé d'avoir des gens très talentueux autour de nous qui ont été... que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau des décors ou même de la photographie, réussir à faire exister un film d'époque dans une économie qui est assez contrôlée, c'est un vrai challenge et je trouve que l'équipe a été super à ce niveau-là. L'équipe a été super. Et ça permet de faire vraiment vivre ce Paris de l'époque dans une maison, donc tout a été pensé pour que chaque élément du décor et chaque élément des costumes corresponde à la fois à la personnalité des protagonistes et en même temps à une réalité historique. Donc il a fallu un peu concevoir tout ça en amont, réussir à prévoir où est-ce qu'on allait louer les costumes. Bien sûr, pour la genèse du film. Exactement, et c'était une très belle aventure et c'était notre premier film d'époque en tant que producteur. Et d'accord. Franchement, c'est un plaisir et on est ravis d'avoir tenté l'expérience et on va la renouveler, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, en tant que déjà spectateur, je suis ravi parce que Paris réussit. On s'y croirait réellement au niveau des couleurs, de la lumière, des costumes, du maquillage. Tout est super bien fait. Et même au niveau de la musique, en tout cas, Arnaud, est-ce que toi, tu es satisfait de ce résultat? Ouais, je suis satisfait, mais je voulais juste dire un truc, en fait. Absolument, avant, vas-y. Tu parlais de la pédale tout à l'heure. Oui, pendant l'enregistrement qu'on entend... Et en fait, c'est une décision qu'on avait prise avec Olivier. Oui. C'était l'ingé son, du coup. Olivier, l'ingé son, absolument. Le mixeur, tout à fait. Les studios Dune Sound. Et Yves Levesque, du coup, en tant qu'ingénieur son également. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est un choix qu'on a pris, en fait, parce que on trouvait justement que de laisser la pédale dans les morceaux, ça rendait le truc plus rustique, tu vois, comme tu disais. Se déroule dans la maison et tout, et ça rend un côté un peu réaliste, tu vois. Complètement. C'est des petits détails, en fait, qui, pendant tout le film, déjà au niveau des personnages, de la musique, de l'ambiance, de la maison, qui se superposent très très bien, et on s'y croirait en tout cas. On a eu le travail d'une super directrice de la post-production qui s'appelle Sophie Speak, qui a réussi à nous mettre une équipe de post-production très très forte, et du coup, par le mixage, on fait exister cette maison, et on fait exister en prenant des choix de post-prod. Bien sûr. On décide de ce qu'on va entendre à l'image et comment est-ce que la maison devient un vrai personnage à part entière. Et la musique fait partie de cette maison et par ses grincements et par toute l'existence et par toute la résonance de la musique, bien sûr, on a quelque chose qui est beaucoup plus organique. Et c'est ça qui était intéressant aussi. Bien sûr. Et qui a été également aidé du coup de la chef monteuse, du coup Delphine Guillebeau. Oui, tout à fait. Très belle expérience de montage aussi. Ça, c'est plutôt Lola qui peut en parler, parce que c'est un travail assez fort. En fait, ce qu'il faut savoir dans un court-métrage, c'est qu'il y a le tournage. Donc nous, ça a duré 5 jours. Oui. Mais après, il y a toute la post-production qui a duré pratiquement 3 mois. Et là, c'est un travail de la réalisatrice avec tous les techniciens de post-production. Donc que ce soit le monteur image, enfin la monteuse image en l'occurrence, oui. le monteur son, le mixeur, l'étalonneur. Bien sûr, coup, bah, c'est un travail d'équipe avant tout. Exactement. Hein. Donc Lola peut peut-être en parler un peu plus. Beaucoup de gens. Oui, le montage, ça a été, bah, c'était nouveau aussi pour moi. Je dois dire qu'avec Delphine, c'était très, très chouette parce que c'est, on a fait une semaine à peu près de dérush. Donc, on a regardé tout et on a choisi un peu ce qu'on voulait montrer. Mm-hmm. Et ensuite, une grosse semaine de montage où là, je l'ai laissé faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le dérush, comme on avait à peu près les mêmes goûts, oui. et ben, je lui ai fait confiance pour la suite. Et puis, je venais pour valider ce qu'elle avait fait. Et non, c'était formidable. Oui. Parce qu'elle a été très juste, elle a tout de suite compris en fait ce que je voulais montrer des personnages, ce qui était intéressant, les moments de silence. On a aussi beaucoup travaillé sur les regards, sur les silences. Pour l'ambiance. Pour vraiment avoir ce sentiment aussi de secret et de solitude par rapport au personnage principal. Oui. Non mais c'était réussi. Hein. Très, très franchement, c'est un projet vraiment réussi. Iman, j'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. Ouais. M'attrape le micro. Je vole le micro. Non, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai pas du tout vu le film et qu'avec le peu de phrases que vous avez dit, enfin, en fait, c'est paradoxal parce qu'il y a pas beaucoup de phrases, mais il y a beaucoup d'échanges. En tout cas, avec tout ce que vous avez dit, ça donne clairement envie de voir ce qui se passe. Et ouais, donc franchement, hâte de voir ça sur les écrans et. Si t'as une date à nous préciser ou... Alors. Non, pour l'instant, non. En fait, le film a été préacheté par France 3, donc on doit d'abord avoir le visa d'exploitation avant de pouvoir le diffuser. Absolument. Donc, en tant que partenariat, du coup, à ce moment-là, ou diffusion ? En fait, ils sont quasiment coproducteurs, c'est-à-dire qu'ils font ce qui s'appelle un préachat. Oui. Ils lisent le scénario. Nous, on est allé rencontrer du coup la directrice des acquisitions de France 3 court-métrage. D'accord. À partir du scénario, elle décide de nous aider à le financer. Et en contrepartie, ils ont le droit de le diffuser sur 18 mois. Donc ils nous diront, après avoir reçu le visa d'exploitation, s'ils veulent le diffuser et à quelle date. Oui. Donc, voilà. Et à côté de ça, on a fini le montage du coup là en septembre. Mm-hmm. On a commencé à envoyer le film à un certain nombre de festivals. Oui. Donc on aura sur notre page le suivi des sélections à des festivals. Et les premières diffusions vont être d'abord dans des festivals de courts-métrages. D'accord, qu'on peut retrouver du coup sur les Facebook et les sites de CH Film, c'est ça ? Tout à fait. CH et Serial B. Exactement. Qui sont producteurs du film. Tu as un mot à dire, Lola ? Rapidement ? Parce qu'on va bientôt s'approcher de la fin. Hein. Que faire un court-métrage, un premier court-métrage, c'est oui. pas évident du tout. Et que j'ai été ravie et je les remercierai jamais assez de toute mon équipe, que ce soit en amont avec les producteurs, en préparation avec l'équipe, sur le tournage et en post-production aussi, parce qu'on a tendance à les oublier, les pauvres. Mais il y a tellement de gens aussi dans ce genre de projet. Mais oui, c'était vraiment un travail d'équipe où je me suis sentie extrêmement épaulée. Parce que j'étais aussi entourée de professionnels, de gens qui avaient déjà travaillé. Et ça, c'était formidable pour moi parce que c'est devenu une jolie famille. J'espère tous les retrouver sur un autre projet. Et puis encore une fois, on l'a déjà dit, mais je le souligne, l'économie du court-métrage étant ce qu'elle est, c'est compliqué de pouvoir travailler bénévolement pour un projet qui ne va pas être diffusé au cinéma, par exemple. Oui. Et donc bravo à eux et merci à eux. Oui. Et c'est encore un métier dans lequel on peut se permettre ce genre de choses et c'est assez beau, quoi. C'est super beau même. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous avoir ce soir sur la radio. Et c'est ce genre de projet qui est magnifique. Et en tout cas, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Merci à Horizontal. Merci Arnaud Esclusa. Merci Lola Gantillon. Merci Donatien. Burkhard, c'est ça? Yes, merci tout le monde. Je remercie aussi les acteurs. Il y a eu Amel Sharif, Anna Schaeffer, Émilien Vekeman, Jean-Luc Porras, Jean-Pierre Parod et Marie-Albert en tant que doublure qui étaient là, ainsi que de nombreuses personnes qui étaient sur le projet. C'était un vrai plaisir de vous avoir. C'était la première fois dans ma chronique, au fond, près du jukebox, que je recevais des gens pour parler de cinéma. C'était un plaisir. Je remercie Sia, je remercie Serial B. Je souhaite que vous continuiez tous ensemble à travailler et à faire des choses ensemble, parce que ce résultat-là était magnifique. fais-le à fond. Continue. Continuez tout ce que vous faites. Et attendez, je pense que Iman a toujours eu son petit mot de la fin. Moi, je le veux. Iman, vas-y, s'il te plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas les rendez-vous pour ce week-end. Et l'amour sauvera le monde. Merci beaucoup. C'était Fréquence Paris Pluriel 106.3. À la semaine prochaine, tout le monde. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see. The road leads back to you, baby. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.